le prix Nobel de physique pour des travaux sur l'univers. Le prix Nobel de physique 2011 a été décerné à mercredi un peu avant midi aux Américains Saul Perlmutter et Adam Ruiz, ainsi que l'Australo-Américain Brian Smith pour la découverte de l'expansion accélérée de l'univers, qui le sont déduits de l'observation de plusieurs champs d'explosion d'étoiles appelées supernova. Y así